Pour un bon repas en famille ou seul, c'est au restaurant Midas qu'il faut aller. Menu adapté à tous les budgets, servi par un personnel courtois et affable. Le propriétaire, M. Danny Potvin, souhaite un franc succès aux organisateurs du triathlon de Saint-Félicien et un bon congé de la fête du travail à tous ses clients. Restaurant Midas, 1084 route 169, 418-679-0900. Grosse transaction dans le monde de la radio hier. Évidemment, on est une station de sport, on fait des podcasts de sport, mais quand même, ça touche le 91.9, donc beaucoup de sportifs aiment cette station-là. Il y a encore de l'incertitude concernant le 91.9. On en parle avec le spécialiste du monde de la radio. Vous pouvez le lire à tous les semaines dans le Journal de Québec et dans le Journal de Montréal, Alain Dufresne. Bon après-midi, M. Dufresne. Bonjour, Danny, comment ça va? Ça va bien. Passez un bel été, M. Dufresne. Absolument. C'est un peu gros titre là, pour dire que je m'intéresse à la radio, mais en fait, un peu comme tout le monde, je profite de mes vacances pour écouter aussi ce qui se fait un peu partout ailleurs, et puis j'aime ce que j'entends ces temps-ci. Ben, M. Dufresne, vous êtes tellement intéressant, puis quand vous parlez à la radio, donc évidemment, c'est une opinion. Il y a un célèbre animateur de Radio de Québec qui disait: il y en a qui parlent, ceux et celles qui parlent, ils savent rien, puis ceux-là qui savent de quoi, ils parlent pas. Fait que nous, on sait rien, fait qu'on va parler. C'est très bon. Dites-moi, on va placoter. La transaction d'hier, le 91.9, beaucoup ont dit c'est dangereux, parce que les Leclerc s'en viennent à Montréal. Les Leclerc, c'est ceux-là qui avaient Boulevard, autrement dit. Ils vont certainement Weekend Radio. Ils vont certainement changer la formule. Poursuivre le monde de la radio, Weekend Radio connaît une montée fulgurante concernant les BBM. Donc, il y en a qui prêtent l'intention à la famille Leclerc de prendre le 91.9 et en faire une station un peu comme Weekend à Montréal. Ce qu'on a appris par le passé, quand on essaie d'envoyer une recette, expédier une recette à Montréal, ça marche pas nécessairement, et vice-versa. Mm-hmm. Vous en pensez quoi? Mais d'abord, il y a un certain nombre de rumeurs à travers ça, puis il y en a quelques-unes qui m'ont été communiquées. Premièrement, est-ce que le changement de propriétaire va faire que le 91.9 à Montréal pourrait être autre chose qu'une station de sport? On va mettre une chose en perspective. T'achètes jamais pour continuer de faire le modèle qui est en place si le modèle qui est en place fonctionne pas. Si le 91.9 perdait des sommes d'argent colossales, à ce moment-là, on pourrait se poser la question, OK, est-ce que le nouveau propriétaire va faire un changement ou est-ce que Radio Nord aurait pas fait des changements? Même si le propriétaire actuel avait gardé la station de radio, s'il perd, parce que ça va très vite à la radio, là, ouais. S'il perd 100 000 $ par mois, il gardera pas ce plan-là non plus. C'est sûr. Maintenant, c'est... le printemps passé, le 91.9, parce que toute station qui est à vendre va faire ça comme stratégie, a baissé énormément, coupé beaucoup dans son personnel pour être capable de présenter un bilan plus positif. Mm. De façon à ce que le nouvel acquéreur regarde les chiffres et dit « Ah, ben, regardons ça, cette station-là, on est capable de la faire vivre, là, finalement, ça coûte pas si cher que ça opérer. » Donc, on avait fait beaucoup de coupures le printemps passé dans le personnel. Ce qu'il y avait à couper a été coupé. Et dans la forme actuelle, ce que l'on dit, parce qu'on, j'ai pas les livres comptables sous les yeux, mais ce que l'on me raconte de gens proches de la transaction, c'est que dans sa formule actuelle, avec les gens qui sont en place maintenant et les contrats qui sont signés maintenant, la station, elle est viable. Ça fait que si le nouvel acquéreur, Leclerc ou n'importe qui d'autre, met la main sur une station qui est viable à Montréal, dans un format aussi précis que le sport, quand ils sont les seuls à faire que ça, je vois aucune raison logique de changer la formule si elle est rentable. Ouais. Maintenant, tous les deux, on était millionnaires. Là. On ramasse le 91.9 à Montréal, puis on dit, on va faire de la radio avec ça. Est-ce qu'on poursuit avec la formule qu'on a là? Je connais, bon, ton intérêt pour le sport, mais si on décidait de faire à Montréal un week-end radio, parce que j'ai entendu ça aussi, ouais. L'idée de base aurait été de prendre la formule qui fonctionne à week-end radio et de faire ça à Montréal et de faire ça dans une des deux stations à Gatineau, qui appartenait aussi à Radio Nord. On parle de nuances dans des genres de programmation musicale dans un marché comme Montréal où tout le monde, sauf le 98.5, fait de la musique. Alors, si c'était ça le plan, on dit tout de suite, c'est un mauvais plan. Tu peux pas faire ta place en disant, ben, nous autres, on tourne 80% de ce qu'il y a à Rouge FM, mais on fait une variation par-ci, par-là. Dans le sport, ils sont tout seuls. Ce que tu veux et la valeur de ta station, c'est son unicité. Qu'est-ce que nous autres, on fait que les autres font pas? Ils sont-tu, là? Il n'y aurait aucune raison de changer ça. Sauf que. Si la station est rentable. Sauf que moi, ce que. Écoutez. Ce que vous dites, c'est vrai, sauf que toutes les stations de ou les concessions de sport s'en vont au 98.5. Ceux et celles qui remontent à 91.9, c'est on va se le dire, c'est les concessions de sport que le 98.5 veut pas. Et ça, il y a une question d'antenne. Il y a une question d'antenne et de réseau. Le 98.5, quelque part, une station partout en province, que n'a pas le 91.9. Donc, c'est ça la différence. Mais moi, je vais vous dire une affaire. La formule est intéressante, sauf que moi, entendre Louis de Villemercier 5 fois par jour, ça me tente pas. C'est là où l'argent devient important. Combien est-ce que, parce que quelqu'un qu'on entend beaucoup dans une journée, là, ce que ça veut dire, c'est que t'as pas beaucoup de budget. Normalement, on essaie d'offrir de la variété. Des stations de radio qui sont riches mettent beaucoup de monde différent en ondes et généralement pas pour des très longues périodes de temps. Une station qui a de la difficulté va étirer les quarts de travail des animateurs, puis tu vas entendre tout le monde, toujours le même monde pendant la journée. Le 91.9, ce qu'ils font à Montréal pour être capable de le faire, c'est, oui, ça vaut la peine d'avoir des propriétés, puis oui, ça vaut la peine d'être capable d'être le diffuseur. On comprend bien qu'ils n'auront jamais moyen de diffuser le Canadien, en tout cas pas dans la formule actuelle. Et en même temps, combien est-ce qu'il y a de monde qui écoute encore le Canadien à la radio? Il y a plein d'autres plateformes qui sont possibles. Alors, le fait d'avoir le Canadien comme produit en ondes, c'est un produit intéressant à vendre. Pour les recettes, c'est bon. Mais dans notre entourage, à nous autres, comment est-ce qu'il y a de monde qui dit « Appelle-moi pas au mardi soir, il faut que j'écoute le Canadien à la radio. » Moi, je vous dirais que beaucoup de monde écoute McGuire et Dubé et mettre l'image. Oui, quand on regarde l'ensemble de la... Ces auditeurs-là peuvent l'écouter, mais en même temps, quand entre les cahiers de sondage, est-ce que ces gens-là sont des gens qui sont comptés comme des auditeurs du 98.5 ou de RDS ou de TVA Sport? Je sais pas. Moi, je pense que avant toute chose, maintenant, le sport dépend beaucoup de qui est en onde et est-ce qu'on a envie d'écouter les gens qui sont en onde raconter ce qu'ils ont à raconter. C'est important d'avoir une concession, mais je suis pas sûr que c'est une question de vie ou de mort pour une radio une radio sportive. Ça donne la crédibilité aussi à la station, là. C'est ce que je veux dire. Et moi, oui. Monsieur Dufresne, ce que je veux vous dire, c'est que moi, ça fait 5 ans que je le dis, la station qui devrait faire une station de sport, c'est RDS Radio. C'est RDS qui virait un RDS Radio ou TVA Sport parce qu'ils ont énormément de concessions. Tu peux faire un combo. Ce que tu mets à RDS TV, tu peux le transférer à la radio également. Ça fait pas juste des lignes ouvertes puis du blabla. T'as des concessions sportives. Donc, ça serait RDS ou TVA Sport de faire quelque chose qui tient. Puis en plus, si on l'irait solide, plus RDS que TVA, là. Oui. Maintenant, il s'agit de voir, et c'est le fun parce que là, ça amène, puisqu'on jase, là. Ah oui, on sait rien, faire des théories si on veut, là. Si Leclerc Communication, et ça nous ramène à l'attraction à la transaction de Radio X, si Leclerc Communication parvenait à convaincre le CRTC que 3 radios de même langue, dans le même marché, c'est quelque chose qui doit être considéré maintenant en 2018 et qui gagne. Sincèrement, je pense pas que ça va marcher. Mais si ça fonctionnait, ça pourrait permettre à un bel média de ce monde de pouvoir avoir une station de plus à Montréal qui serait une station de sport. Évidemment, si Bell Media avait une nouvelle station à Montréal, ce ne serait pas pour faire ce qu'ils font déjà à Rouge FM puis à Radio Énergie. Il faudrait qu'il y ait dans le talk. Il faut que tu essaies de varier ton offre pour tes clients, tes commanditaires. C'est dans des scénarios comme ceux-là qu'on peut regarder, voir comment, c'est quoi les vraies, de vraies opportunités. Et je pense que le 91.9 à Montréal, qui fasse légèrement des profits ou qui soit près de la rentabilité avec le peu de propriétés qu'ils ont, avec le peu de moyens qu'ils ont, je pense que c'est un signe encourageant pour ceux qui trippent sur le sport. Si on mettait un réseau derrière ça, avec des moyens de réseau, et le point est très bon, à savoir un RDS radio, tu prends les moyens d'un puis tu utilises l'autre comme... Tu fais un combo, puis tu vends ça. C'est absolument extraordinaire. Ben oui. Ça aurait beaucoup de bon sens. Oui, effectivement. Mais expliquez-moi quelque chose. Pourquoi TSN 6 690 fonctionne. La preuve, ça fait au moins 10 ans que TSN 690 est en onde. Ils ont pas beaucoup de. Si je m'abuse, moi je l'écoute sur l'internet parce que ça rentre pas ici. Ils sont sur la AM, si je m'abuse. Mais ça fait que TSN 690 fonctionne et le 91.9 fonctionne pas. Pourtant, il y a une possibilité pas mal plus grande. C'est sûr qu'ils ont beaucoup de concessions de sport, eux. Avec ESPN Radio, t'as pas la barrière de langage, donc tu peux te plugger sur ESPN Radio et ainsi de suite. Mais ça, oui, ça fonctionne, puis l'autre fonctionne, la misère a fonctionné. Pourtant, il y a une possibilité pas mal plus grande avec la 91.9. Oui, par contre, je pense que les gens de Toronto ont une ouverture pour le sport pas mal plus grande que celle de Montréal. Puis je me suis fait taper ses doigts pour avoir osé dire que le Canadien a créé un trou noir en termes de communication à Montréal et a absorbé toute l'attention et tous les journalistes de sport comme si le Canadien était la seule activité digne d'être diffusée. Alors, sans Alouette et sans, parce que les gens ont perdu, les Alouettes existent, mais l'impact existe, mais personne s'en préoccupe, et avec les expos qui sont partis dans l'indifférence générale, ça s'est pas produit à Toronto. Ce qui fait que même si les Maple Leafs sont des années de misère depuis des générations, malgré tout, il reste des fans de sport qui se disent, ben c'est pas grave que les Maple Leafs soient pas si bons que ça, parce qu'il nous reste le baseball. Puis c'est pas grave même si le baseball marche pas parce qu'on a les Raptors. Alors finalement, l'offre, elle est diversifiée, et ils sont pas pris avec juste un sport et juste une équipe. Le problème avec le Canadien ici, c'est que c'est le seul sujet d'intérêt. Mais TSN 690 est à Montréal, par contre, là. Puis c'est sûr qu'ils peuvent se plaindre. OK, on se trompait. Je pensais qu'on parlait de la station à Toronto. Non. Je pensais que TSN 690, qui est la station anglophone de Montréal de sport. Excuse-moi, j'étais complètement impatient, ouais. Parce que ce que je fais parfois avec un plaisir coupable chez nous, là, je m'installais puis j'écoutais McCown qui fait le retour avec Hugo. Ils ont sûrement des émissions qui proviennent de Toronto, par contre, là. Ouais, mais la communauté anglophone de Montréal, je pense, elle est aussi ouverte un peu plus au sport que l'on l'est à Montréal. Quand on y pense, là, retourner historiquement en arrière, qui est une seule radio de sport, qui n'est pas vieille d'ailleurs. 91.9, ça fait pas longtemps. Il n'y a pas si longtemps, 91.9, c'était Radio X à Montréal. Ouais. Alors, c'est invraisemblable que dans un marché où on a suivi le sport comme Montréal l'a fait, que c'est seulement depuis 2 ans en français ou 3 ans, et quelques années tout au plus, qu'on suit le sport à travers une radio qui fait ça 24 heures par jour. Je pense que Cogeco fait une bonne job le soir. Sincèrement, là, je pense qu'au 98.5, l'ensemble des émissions sont de qualité. Mais c'est une excellente observation que tu fais là. Pourquoi les anglophones sont capables d'avoir une station de radio complètement sportive, puis que les francophones ne sont pas capables? C'est une excellente question. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de profondément culturel là-dedans. C'est-à-dire que nous autres, on vit et on meurt avec le Canadien, et la communauté anglo est probablement un petit peu plus diversifiée dans ses goûts pour le sport. Puis je pense que la communauté anglophone a plus d'argent aussi que la communauté francophone. C'est Westmount, c'est tout le coin de Montréal, tandis que du côté francophone... C'est ça. Et donc plus d'argent, plus d'annonceurs oui, aussi. Oui. Il y a un sentiment, pour avoir jasé, à un moment donné, j'avais une certaine proximité avec quelqu'un qui faisait de la formation d'animateur de radio en anglais à Montréal. Et il me disait que le sentiment communautaire dans le sens de tricoter serré, puis on est ensemble dans l'épreuve, là, était beaucoup plus grand en anglais qu'en français à Montréal, et je le croirais. Je pense que les auditeurs sont au rendez-vous et tiennent à ce que leurs institutions, la radio en étant une, que ça vive bien. Ce qui fait que même s'il y a peut-être un peu moins d'auditeurs, les clients sont quand même là. Mais avant toute chose, je pense qu'il y a quelque chose de culturel là-dedans. On a fini par devenir des gens qui s'intéressent à une équipe, même pas à un sport, à une équipe. Ah ouais, c'est sûr. Que malheureusement, ça s'apparaît dans l'auditoire puis dans l'intérêt du monde. Très intéressant. On va s'en reparler, M. Dufresne, un autre tantôt. Quand tu veux. Alain Dufresne, spécialiste de radio, on parlait de la vente du 91.9 hier.